caliente. L'équipe est en paix, mais non, c'est les requins. Je veux de la haut participe que pour le record. Elle est en paix, je l'ai vu dans les regards. Elle sait qu'on participe que pour le record. Mais ta bouteille en bras, quoi qu'elle a dit. Je suis pas proche, pourtant l'autre est la deux. Tout j'ai rien, je compte comment faire la dix. Sous mes termines, mais ça reste au taladon. Pour un dix, mais je vais flotter la vanilla. Je veux de la haut, la police, joue le cavalier. Elle a sur le temps, qu'on projette l'employé. Avec l'équipe, on est tous depuis l'escalier. Ça sort des blocs, ça.